tu veux savoir quoi? Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir? Dis-le-moi. Tu veux savoir quoi? Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir? Avant de demander pourquoi, quand je fais rimer quelques mots, je m'acharne. Demande à ma mère ce que c'est que d'élever seul de mots ma charge. La pauvreté m'a eu, j'ai failli habiter la hure. Aujourd'hui le crocodile remplace les habits d'Emmaüs. Tu veux savoir, ok, je connais les restos de Michel. Ça c'est banal comme une chatte forêt de Godmichet. Tu veux savoir quoi? Que j'ai connu un tas de détresse. En état d'ivresse, je bade et parfois je tape des traits. Tu veux savoir, à 9 ans j'ai failli perdre mes jambes. En traversant, s'il y a un dieu, je le vois hyper méchant. Tu veux savoir, j'ai plus d'amis que de mifa. Peu à peu je m'efface et il va bien falloir que je m'y fasse. Tu veux savoir, merci le soutien, ça me touche. Tu veux savoir, je m'en bats les couilles car les vrais savent tout. Tu sais que t'as rien fait de ta vie donc tu parles de mes actes. Tu sais qu'on m'a trahi, mes couilles n'ont plus pardonné ça. Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir? Dis-le-moi. Tu veux savoir quoi? Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Tu veux savoir que j'ai tout fait que depuis le bavoir, je bois des paroles fausses qui m'ont rendu sceptique dans ma commune. Tu parles dans le dos car à l'inverse, tu sais que c'est ce qu'au mur. Tu veux savoir, j'ai passé 5 semaines en addictologie. Remballe ta morale, gros, je n'ai rien appris de ta logique. Tu veux savoir, parfois j'ai démon, l'enfer fait 40 degrés. T'en perds la vue si je t'énumère toutes mes carences de près. Tu veux savoir, j'ai vendu la farine, mon nez n'est pas vierge. J'ai posé ma confiance en l'homme sur aucune étagère. Tu veux savoir ce que c'est que d'apprendre que ton père ne l'est pas. Ouais, je pars de la course en boitant et ça dès le départ. Tu veux pas me voir quand je broie du noir car je salis la teuf. Tu veux savoir quoi, je garde espoir comme Ali la peuf. Tu veux savoir, je suis toujours là quand les vrais rap cool. Et comme Khalif, je m'en bats les couilles car les frères savent tout. Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir? Dis-le-moi. Tu veux savoir quoi? Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir? Dis-le-moi. Tu veux savoir quoi? Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir? Dis-le-moi. Invente pas l'histoire, gars. Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir? Dis-le-moi. Tu veux savoir quoi? Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir, hein? Dis-le-moi. Tu veux savoir quoi? Dis-moi, qu'est-ce tu veux savoir, toi? Qu'est-ce tu veux savoir? Dis-le-moi. Invente pas l'histoire, gars.